Alors, je voudrais juste prendre, bon, peut-être le plus gros, malheureusement, les IDEX. Hein. Et puis tous les ex liés, peut-être les LABEX, le reste c'est plus, enfin c'est peut-être moins catastrophique. Pour ce qui concerne les, alors nous, on a fait des expériences dans cet amphi et dans d'autres salles de cette institution, c'est qu'on a demandé à des responsables politiques, en l'occurrence de trois partis ou trois regroupements de la gauche parlementaire, de venir nous dire ce qu'ils allaient faire, des représentants des candidats, et ça je crois que vous allez être conduit à avoir des démarches tout à fait semblables. Moi j'en ai tiré quelques conclusions et quelques craintes. Pour ce qui concerne les IDEX, arrêtons-nous là. Aussi bien le Front de Gauche que Europe Écologie Les Verts nous ont dit c'est très simple, il faut le démanteler, ces choses-là. Le représentant du Parti Socialiste et du candidat de ce parti a eu un discours plus nuancé, pour le moins. Et en substance, voilà ce que j'en ai retenu, personnellement. D'abord, il faut rétablir les équilibres territoriaux et, par conséquent, ceux qui n'ont pas eu d'IDEX, ils auront plus d'argent du budget normal, je dirais, que ceux qui en ont eu. Donc, en d'autres termes, le dispositif des machines reste en place, mais on rééquilibre. Deuxièmement, on remet en cause, on ne sait pas très bien comment, mais en tout cas, l'accent de notre interlocuteur était authentique, on remet en cause les systèmes de gouvernement absurdes, enfin, je veux dire, autoritaires à un point tellement scandaleux que, bon, ça ne peut pas... Donc, on rétablit un espèce de droit commun, en quelque sorte, de droit commun de la démocratie universitaire dans ces machins-là. Et voilà. C'est ça que j'ai retenu. Ah non, un autre point très important, je veux rendre justice à c'est on met en cause à l'intérieur des IDEX les périmètres d'excellence au sein des institutions en question. Donc, que Bertrand Montubert appelle très justement les périmètres d'exclusion. Donc, désormais, quand on a la chance d'appartenir à un IDEX, tout le monde en profite. Voilà. Ça, c'est la troisième mesure. Alors, à partir de là, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est comment nous allons... Enfin, je crois qu'on est dans des perspectives beaucoup plus radicales par rapport à ces institutions. Est-ce qu'on peut d'abord accepter le principe même de cette mise en concurrence généralisée? Est-ce qu'on peut, d'autre part, accepter la substance de ces projets? Ces projets qui n'ont été évalués de façon... digne par personne, bien entendu. Ce n'est pas ces jurys grotesques qui ont évalué quoi que ce soit. Donc, si on ne porte pas le fer sur le contenu même scientifique, pédagogique de ces projets, on va perdre. Je veux dire, ils vont se pérenniser. Et d'autre part, les géographies institutionnelles qui ont été créées, bon, là, c'est un point de vue peut-être un peu trop parisien, sont d'un arbitraire total. Enfin, je veux dire, c'est le ministère qui a dit vous vous mettrez avec un tel et pas avec un tel, évidemment. Dans les régions, c'est peut-être un peu différent. Dans les villes, c'est peut-être un peu différent. Donc, à la fois sur la substance et sur la géométrie, comment faire pour remettre ça en cause? Et je ne veux pas être long, mais le sentiment que j'ai, c'est que ça, ce n'est pas des choses qu'on peut remettre en cause par des mesures nationales. C'est des choses qu'on peut remettre en cause dans des batailles qui seront malheureusement, pour une large part, locales. Voilà. Ensuite, dernier mot. À l'école des hautes études, on a eu la chance de perdre l'IDEX, vous voyez. Donc, on n'aura pas de board of directors, etc., etc. Sauf que, notre président, il a bien l'espoir qu'avec ses amis socialistes, il aura tous les sous pour le projet exact qu'il a soumis à la deuxième vague d'IDEX et qu'il n'a pas eu. Et il n'est probablement pas le seul dans le fichu presse en question. Donc, le problème est comment mettre un terme à ça. Est-ce que la bataille est possible au sein de chacun des établissements? Et est-ce qu'on peut gagner une bataille aussi dispersée? Mais est-ce qu'on peut aussi gagner sans la mener? Voilà. C'est ça ma question, c'est comment faire pour porter le fer là où il faut, malheureusement, le porter. Pascal, déjà, l'a bien dit, peut-être que le scandale financier va éclater et que si ça éclate, si on voit qu'effectivement ceux qui ont eu les IDEX n'ont pas eu l'argent escompté, il peut y avoir des désillusions qui mèneront à ce que les projets se démantèlent d'eux-mêmes. Enfin, on peut peut-être l'espérer. Je sais aussi que, Pascal a très bien dit, ces projets se sont faits dans un petit coin. Et la plupart des collègues ne sont pas au courant ou commencent à découvrir quand le projet est enfin mis sur la place publique. Et en tout cas, je connais des collègues à Toulouse qui sont tombés des nues en découvrant que le board of directors allait comprendre seulement un enseignant-chercheur pour représenter toute la communauté des trois universités de Toulouse réunies. Donc je pense qu'il va y avoir des prises de conscience qui pourraient aller en notre faveur. On peut l'espérer. En aucun cas, il ne faudrait tomber dans le piège des aménagements locaux. Il est clair qu'on va aller vers ça. Je prends un exemple concret. L'IDEX de l'UDS, c'est pas trop mal dans l'un de ses aspects, puisqu'il y a 30% des moyens qui vont être affectés hors périmex. Alors, une lutte possible des élus de l'intersyndicale Agir Ensemble, par exemple, pourrait être de dire... après hypothétique arrivée au pouvoir des socialistes, on va jusqu'à 50% et on maintient les structures en place. De mon point de vue, c'est catégoriquement non. Non. Si on accepte de se battre localement pour des aménagements, on fait le jeu de ce qui est en route du côté des projets socialistes, à savoir des aménagements à la marge, des accommodements, un maintien de l'autonomie et d'une part substantielle de la LRU, et une accélération de la politique d'excellence avec, a dit François Hollande, une accélération d'attribution des moyens. Voilà. Donc, en définitive, une accélération et une mise en œuvre effective de la politique d'excellence. La logique dans laquelle il conviendrait de se situer serait de dire, il y a encore très peu de moyens qui ont été distribués aux universités, une infime partie, on a fait le calcul pour l'université de Strasbourg, on a touché pour l'instant 2% de la totalité de ce qu'on devrait avoir. L'ABEX, l'EQUIPEX et tous les autres. On a touché 2%. Il est encore temps, je veux dire, d'arrêter la machine. Surtout aussi avec un argument qui concerne un principe de fond, celui de la démocratie. Ces projets n'ont pas été élaborés démocratiquement. Aucun projet d'excellence n'est passé devant le conseil d'administration. Aucun. Pas un seul. Le seul à être passé, parce qu'il y a un problème de statut, de SASU, Société à capitaux simplifiés, c'est le projet du Gynécole EASE dont je parlais tout à l'heure. Mais le reste, on a l'IDEX, les LABEX, rien n'est passé en CA. Donc, on attaque très fort sur une question de démocratie et les conditions même d'élaboration des projets qui sont pas admissibles, à mon sens, pour les trois quarts des projets. Il y a des LABEX, il y a des EQUIPEX, certes, qui sont construits un peu collégialement, avec consultation des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Ça existe, mais la très grande majorité, en tout cas des grosses structures et des gros projets, c'est un COMPIL qui a bossé, COMPIL, comité de pilotage très resserré, sans aucune validation en conseil, avec... sans aucune légitimité. Oui, ce que vient de dire Pascal me paraît extrêmement important et je crois qu'il faut absolument ne pas tomber dans une sorte de fatalisme. D'une part, pour la deuxième vague d'IDEX, les conventions n'ont pas encore été signées. Donc il faut, je crois, être très présent actuellement. On est à une phase charnière et il y a peut-être un moment, vraiment une fenêtre dont il faudrait, enfin une occasion dont il faut s'emparer, qui est effectivement de ne pas signer de convention en l'état actuel des choses. En plus, on est en plein contexte électoral, donc c'est quand même très facile à comprendre. Donc déjà, première chose, bloquer, jouer la montre et bloquer un peu la machine de cette manière-là. Et puisque Pascal disait, disait, c'est effectivement que les conseils n'ont absolument pas été saisis, ne sont pas au courant, n'ont pas les documents essentiels pour prendre la moindre décision éclairée. Donc c'est quand même effectivement un minimum que d'encourager tout simplement ces conseils à se ressaisir de leurs prérogatives. Ce ne sont pas des choses extraordinaires, simplement d'exercer leurs prérogatives. Et puis, il y a des enjeux financiers qui sont évidents, parce qu'elle en a parlé, mais on sait actuellement, on a su par exemple pour le presse, c'est tout à fait public, hein, pour le presse Paris-Sorbonne-Cité, que la dotation est déjà amputée de plus d'un tiers. Donc c'est quand même assez phénoménal. La convention n'est pas encore signée, qu'on sait déjà qu'il y aura un tiers d'argent en moins à la clé. Donc des choses comme ça, ça doit faire réfléchir. Et tout ce qu'on voit, c'est que finalement ces structures d'IDEX ont pour finalité non pas vraiment d'aider la recherche dans tous les domaines, bien évidemment non, ce sont les structures des dispositifs de restructuration en de nouveaux établissements. Et là, je crois qu'il faut avoir une analyse peut-être un peu plus fine des différents types d'IDEX. On a des IDEX type Toulouse, où effectivement, c'est surveiller et punir, comme certains l'ont dit. Il y a d'autres IDEX qui ont des structures un peu plus complexes. C'est un petit peu plus difficile de se positionner par rapport à eux, du moins pour un certain nombre de personnes, parce qu'il n'y a pas de fondation à la clé. Donc ça paraît plus démocratique, plus collégial. Il s'agit de construire une grande université avec des conseils et donc un fonctionnement à terme qui sera effectivement démocratique et collégial. Sauf que pour arriver à cette grande université, on passe par une démarche, un processus qui ne l'est absolument pas. Alors je crois qu'il ne faut peut-être pas préjuger de l'apathie des conseils qui sont en train actuellement d'être dépossédés de leurs prérogatives et qui quand même auront bien à un moment donné leur mot à dire. Et on est peut-être, je crois, sur une phase de quelques semaines où il est très important de faire beaucoup d'informations et de lancer beaucoup d'alertes à ce sujet, parce que tout n'est peut-être pas joué. Et après, effectivement, il faut repartir sur des considérations et des principes nationaux. On ne peut pas absolument pas s'en sortir localement. Mais tout n'est sans doute pas joué. Du moins, il ne faut pas partir comme ça. Oui, moi, je voudrais préciser quelque chose, surtout par rapport à ce qu'a dit Pascal tout à l'heure, parce que en ce qui concerne l'IDEX de Paris 6, où je suis, je crois que la situation est beaucoup plus grave et je pense que c'est peut-être le cas quand même partout. Il faut bien voir que c'est justement ces conventions que le gouvernement essaye de s'empresser de faire signer à tous les IDEX qui ont concouru. Il y a des clauses qui sont quand même assez graves sur le fait que les universités, enfin les établissements lauréats s'engagent à un certain nombre de choses pour pouvoir toucher les fonds de l'IDEX. Hein. Et ces choses, c'est quoi ? En particulier, on a réussi à avoir la lettre d'engagement de la phase 1 auquel finalement Paris 6 a échoué et on n'a pas réussi à voir celle de la phase 2, en tout cas jusqu'à présent. Mais pour la phase 1, c'était assez grave parce que le président s'engageait à verser un certain pourcentage du budget récurrent de l'université exclusivement dans le périmètre d'excellence de l'IDEX. Et c'est uniquement à cette condition-là, avec en plus, il était bien marqué que l'ANR aurait le droit de venir à l'université demander à l'agent comptable de sortir toutes les factures, etc., hein, pour vérifier que, effectivement, ces sommes-là ont été versées. Donc, on voit bien un petit peu le danger qu'il y a de cette chose-là. Hein, c'est le fait que on prend l'engagement qu'une partie du budget récurrent sera affectée au périmètre d'excellence, c'est-à-dire pas aux autres. Et puis finalement, on va vous dire, ah, bah, écoutez, mon pauvre monsieur, finalement, vous comprenez la crise de la dette, et puis bah, donc vous aurez moins que prévu que ce qui était versé à l'IDEX. Et donc, c'est vraiment ça qui est en train de se passer par rapport au fait que l'argent du grand emprunt, où est-il, et que peut-être qu'on ne le verra effectivement jamais, mais que ce qui aura été acté dans les faits, c'est justement un changement de méthode de gouvernement à l'intérieur des universités, parce que fondamentalement, c'est ça qu'ils veulent, et pas autre chose. Et il faut vraiment être très vigilant là-dessus et demander effectivement à tous les conseils centraux aujourd'hui de refuser de signer les conventions avec les IDEX, parce que c'est une arnaque au niveau budgétaire qui va se retourner même contre les lauréats. Et l'information aussi, elle devrait se focaliser sur le problème des partenariats publics-privés. On n'en a pas assez parlé. Les IDEX sont liés à ces partenariats publics-privés, par exemple, ou les plans campus également, où les universités doivent s'engager à passer par des entreprises privées,

On a bien vu à l'Assemblée nationale le nombre de fois où Pécresse a été interpellée sur la question. Est-on toujours fonctionnaire d'État malgré les RCE ? Bon, alors ils disent que oui, mais ce n'est pas, enfin, c'est problématique quand même. Donc moi, je dis non aux RCE. Nous, à l'UFR 04, en art plastique, il y a une mesure qu'il faut mettre en œuvre d'urgence. C'est qu'ils ont donc collé à l'entrée de l'UFR des bannières. Où dessus, alors on ne sort pas en procession avec ces bannières, mais c'est marqué dessus « excellence ». Et donc, il y a des éléments de langage qui sont... L'excellence, ça devient un exercice spirituel. C'est-à-dire chaque matin, vous arrivez, vous voyez cette bannière, vous méditez ça. Et donc, il y a une espèce d'auto-persuasion de l'excellence. Et moi, j'ai l'impression que le problème avec le... S'il y a un nouveau gouvernement, on ne sait jamais. Hein, eh bien, le problème qu'il y a, c'est qu'il va falloir faire désexceller le langage. Parce qu'il y a une espèce de sidération par l'excellence qui fait que... Si moi, je vous dis « est-ce que vous voulez être beau ?» Ben, bien sûr, vous voulez être beau. Vous voyez ? Est-ce que vous voulez être excellent ? Bien sûr, vous voulez être excellent. Mais le problème, c'est que celui qui est vraiment excellent, en fait, il le dit pas. Il dit pas « je suis excellent, je suis excellent, je suis excellent ». Vous voyez ? Et donc, il y a une espèce de mise en scène de l'excellence par le... de mise en scène d'éléments de langage de l'excellence. C'est ça qu'il faudrait arriver à shunter. Il me semble que dans cette espèce d'entreprise où chacun devient l'entrepreneur de soi, on devient l'entrepreneur de soi au travers de technologies de persuasion, qui sont ces fameuses bannières, qui sont ces... Et la modification du langage, en fait, il y a une espèce de sidération du langage, de modification de langage, qui crée c'est une pathologie du langage, en fait, l'excellence. Si bien qu'après, quand on va vous dire vous êtes excellent, vous allez penser que c'est une insulte. Et moi, quand j'ai dit à un collègue, mais moi, je me sens insulté chaque fois que je vois cette bannière qui me parle d'excellence, je lui dis, moi, c'est comme si on m'insultait de l'autre côté du trottoir. On a l'impression d'être en banlieue. Et il m'a dit, mais alors là, ça veut dire que nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs. Alors je dis, mais non, parce que moi, j'ai pas besoin d'exceller pour exister. D'une certaine manière, il faudrait dire que l'existence précède l'excellence. Vous voyez, ce serait... Oui, à propos de l'excellence, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, mais l'excellence, quand on voit les proportions de pèse données à des excellents, c'est déterminé par des documents du ministère. Des quotas ont déjà été déterminés en l'absence de... dans le vide, comme ça, je ne sais pas par qui, par quelle opération magique. On a déterminé qu'il y avait 20% d'excellents, 30% de peut-être potable, je ne sais pas, moyen. On s'est dit, bon, enfin bon, quand ce n'est pas excellent. Et puis 50% de mauvais. Donc moi, ce terme d'excellence, c'est la détermination, c'est la possibilité de déterminer que 80% ne sont pas excellents. Et que donc 80% peuvent recevoir des salaires qui sont minables, faire un enseignement dans des universités de seconde zone, à des étudiants qui vont avoir des diplômes de seconde zone, dont les salaires vont être de seconde zone. Et c'est abaisser tout le système de l'enseignement supérieur complètement à deux vitesses, aussi bien sur le plan régional qu'au niveau des disciplines, qu'on crée encore des cloisons et des séparations. Tout à l'heure, on parlait aussi de CEPES, mais pour moi, la création de CEPES, c'est une OPA du gouvernement pour contourner les centres de décision collectifs, collégiaux, qu'il y a dans l'université. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît tellement simple comme raisonnement, et j'ai vraiment l'impression qu'on s'est fait avoir sur toute la ligne. Simplement, on nous présente quelque chose avec des mots, l'excellence, par exemple, et donc tout le monde, beaucoup trop de personnes regardent cette excellence. Réagissent vraiment très lentement en comprenant que l'excellence, c'est pour créer de la non-excellence. Donc, on marche sur la tête. Enfin, je pense que ce qui serait important de voir, c'est quelles sont les valeurs importantes qu'on veut défendre. Parce que c'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont déterminé des valeurs qu'ils voulaient défendre. Et c'est comme ça qu'ils nous ont eus sur toute la ligne. Alors que nous, on définisse des valeurs qui sont importantes et qu'on arrive... Parce que à partir du moment où elles sont définies, où les gens s'y tiennent, eh bien, chacun peut être créatif dans son milieu et peut appliquer ses logiques dans son milieu, là où il travaille, dans sa petite unité ou sa plus grande unité ou à laquelle il participe. Mais si on n'arrive pas à déterminer, on les connaît, ces valeurs, mais c'est surtout là-dessus, je pense, qu'il faut que ça crée une ligne. Moi, je dirais que la PES, elle a été inventée pour ne pas augmenter nos salaires. C'est-à-dire que la PES a été inventée pour éviter, parce que comme chacun sait, nos salaires sont très bas. Enfin, pour ce qu'on fait, je veux dire. Voilà. Oui, à propos des deux... Oh, pardon, Sarah. Et la PES, la PEDR, qui a été remplacée par la PES, la PEDR récompensait un travail supplémentaire. Elle rémunérait un travail. Avec la PES, on passe à une autre logique qui est de rémunérer un statut d'excellence. Voilà. Et c'est là aussi où ça ne va pas. L'intérêt de la prime d'excellence, c'est justement que très peu long. Et je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est justement l'intérêt, c'est que c'est le prestige par le mépris. C'est-à-dire, justement, ne doivent pas pouvoir y prétendre tous les gens qui pourraient l'avoir. Donc, je pense que c'est le dispositif qui est mis en place. Voilà. Pour ce qui est quand même de l'excellence, ce qui est étonnant, c'est que à la fois c'est une rhétorique qui est perçue comme telle, hein, et je pense qu'elle aura sa fin, puisque dans la présentation des diplômes, etc., parfois cette rhétorique est raillée, hein, puisque il suffit d'aller maintenant sur les sites internet de certaines universités, c'est à qui se targuera de sa plus grande formation d'excellence. Ça peut produire un effet de comique, hein, voire de ridicule, et qui est souligné parfois par certains collègues lorsque un tel va présenter un diplôme d'université où ça va être le plus excellent. Et si j'ose dire, et donc le comique de la chose est souligné. Alors, ce qui est moins comique, c'est l'association précisément des frais des étudiants à la dite excellence, c'est-à-dire on vend l'excellence très très cher, et on essaye de la vendre très cher. Dans des formations dites d'excellence, des écoles, etc. Mais en même temps, là aussi, il y a un ferment de contestation parce que lorsque les étudiants s'aperçoivent que les professeurs, ce sont les mêmes que qu'à l'université et qu'on paye très cher une formation par les personnes qui sont précisément excellentes, mais pas en raison de leur titre, de leurs études, des concours qu'elles ont réussis. Je pense que là, il y a un ferment quand même de contestation et de possibilité de s'apercevoir de la supercherie de l'excellence. Et du point de vue des valeurs, je pense que c'est pour ça qu'il faut s'attacher vraiment à la gratuité des études en tenant bon sur le fait que ce qui est le meilleur, c'est ce qui est gratuit. Absolument. Juste un mot, oui. À propos des deux dernières interventions, justement, je crois qu'il y a cette nécessité pour nous, et la question a souvent été abordée dans ce séminaire, me semble-t-il, d'après ce que j'en ai entendu, puisque les enregistrements sont très précieux, sur ces questions de vocabulaire. C'est-à-dire qu'un des objectifs de l'appel était de faire réfléchir aussi à ce vocabulaire paradoxal qui est utilisé actuellement par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on nous vend des réformes libérales, individualisantes, etc., avec un vocabulaire qui a parfois été puisé chez nous. On a bien vu, par exemple, comment un certain nombre de demandes des assises des États généraux de la recherche avaient été récupérées par la suite. En retournant complètement le concept. Alors, il y a cette question d'excellence, mais on nous a vendu, par exemple, la réforme de la formation des enseignants comme une élévation du niveau de recrutement des enseignants, ce qui est totalement paradoxal, puisqu'on a masterisé effectivement, mais ils n'ont plus aucune formation professionnelle. On nous a vendu cette excellence, on nous a vendu l'autonomie aussi. Et on trouve encore des collègues qui disent « Oui, mais quand même, l'autonomie, c'est un acquis. » L'autonomie, nous l'avions depuis la loi de 84 et même bien avant. Enfin, une administration qui vote ses budgets, qui désigne son supérieur hiérarchique, etc. C'est une administration supérieure hiérarchique qui, d'ailleurs, n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les enseignants-chercheurs, c'est une administration tout à fait particulière et cette autonomie existait. Mais le gouvernement a réussi à imposer un débat sur les bases qui étaient les siennes et qui se déroule encore un petit peu trop souvent, je trouve. C'est comme ça que le candidat du Parti socialiste est amené à défendre l'autonomie comme si c'était une valeur en soi. Mais il entend par autonomie ce que le gouvernement a essayé de nous faire croire qu'était l'autonomie. Donc je crois qu'il y a vraiment tout ce travail de déconstruction et de reformulation que nous devons faire dans ce domaine, parce que sinon on va raisonner dans les termes de notre adversaire. Oui, Robert et Simon, oui, vous allez arrêter de parler entre vous. C'est d'abord, il n'y a plus que 10 minutes. Et je pense qu'il est important de réfléchir sur les raisons de l'échec de 2009. Et je l'ai déjà énoncé. C'est que nous sommes restés entre nous. Alors là, nous avons lancé un appel. Moi, je pense que notre position, elle est fragile. Elle est fragile pour une raison extrêmement simple. C'est que nous n'avons pas assez discuté avec Bernard Montubert, d'ailleurs, mais lui, il est marginalisé, manifestement, au sein du Parti socialiste. Le problème que nous avons, c'est que toute la seconde gauche, hein, celle qu'on appelait la seconde gauche dans les années 80, vous savez bien de qui je veux parler, hein, elle est pour les réformes. Il y a trois semaines, ou il y a un mois, dans Libération, vous aviez eu trois articles lié, hein, un du vice-président de la CPU, un du secrétaire général du SNESUP et un d'un militant important du SGEN-CFDT, hein, qui est un de nos collègues, et qui a été un des rédacteurs, puisqu'ils ont négocié le statut avec Madame Valérie Pécresse. Alors, qu'est-ce qu'il disait ? Hein, il disait que les IDEX, c'était très bien, que d'ailleurs, le gouvernement, il fallait le remercier, le gouvernement de M. Fillon, hein, puisqu'il avait entrepris de rattraper le retard budgétaire, hein, le retard de la dépense en France pour la recherche. Et que c'était donc une avancée fondamentale que lui, membre du Parti socialiste, sans doute depuis extrêmement longtemps, constater avec beaucoup de tristesse, hein, que les gouvernements socialistes n'avaient rien fait en ce domaine. Il vantait l'exemple de l'Allemagne, puisque c'était à l'exemple de M. Schröder, hein, que ces réformes avaient été lancées en France. Il reconnaissait deux problèmes. C'est un problème d'aménagement du territoire et d'autre part un léger problème de gouvernance, parce qu'il trouvait que les conseils des nouveaux des nouvelles organisations, presse, IDEX, etc., c'était quand même pas assez ouvert. Tous nos bons amis et collègues, qui sont de vieux militants, qui ont une vieille expérience, ils sont déjà en train de se presser, hein, aux portes de celui qui sera éventuellement ministre, si jamais... Hein, il y a une alternance politique. Et moi, je ne pense pas que leur attitude favorise beaucoup, hein, l'émergence de cette alternance politique, puisque eux, ils œuvrent pour que ça reste en place. Alors, à mon sens, on a une toute petite chance. Hein. C'est que le système des réformes de Pécresse, Madame Valérie Pécresse, excusez-moi, est cohérent. Et que donc, si ça craque sur un certain nombre de points, ça risque de mettre beaucoup de désordre dans les lignes qui seront très fermement tenues par les amis, hein, les collègues dont je viens de parler. C'est pas à moi, qu'est-ce que vous voulez, je fais partie d'une autre gauche. C'est pas à moi, hein, c'est pas à vous hein, de décréter qui est de gauche, hein, s'ils le disent, s'ils le font. C'est un problème, hein, c'est un vrai problème. Alors, à mon avis, dans cet appel, il y a trois points qui sont capables de, d'introduire des éléments vraiment mobilisateurs, autrement, autres que ceux qui ont battu le pavé hein, durant l'hiver 2009. Le premier, c'est la formation des maîtres. Parce que là, c'est un tel échec, c'est une telle catastrophe. C'est la suppression de la notion même de la profession d'enseignant. C'était déjà le cas en Angleterre. Hein. C'est plus ou moins le cas aux États-Unis, mais c'est complexe. Hein. Tout ça, puis de toute façon, ce n'est pas nos traditions. Alors les autres, pourquoi ils font ça? Parce que nous, on est républicains. Hein. Eux, ils ne sont pas républicains. Ils sont plutôt girondins. Hein. Ils sont catholiques, d'ailleurs, enfin, ou religion du livre, etc. Bon, c'est leur droit, hein, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont quand même obligés d'admettre les réformes. Et le problème de la formation des enseignants, c'est là quelque chose sur lequel on peut faire beaucoup d'alliances. Le second problème, c'est où il est possible vraiment d'avancer, c'est celui des étudiants. Ça marche sur la tête. Et on va avoir un nombre bien moindre d'étudiants dans les facs, beaucoup moins de doctorants. Hein, déjà, ça commence à apparaître, tout au moins en sciences sociales, et même moins d'étudiants, parce qu'ils vont se tourner vers d'autres formations ou pseudo-formations. Hein, donc c'est une catastrophe pour un pays développé. Ça, tout le monde est capable de le comprendre, sans compter le sort minable des étudiants qui ne sortent pas de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, ce qui est aussi quelque chose d'inacceptable hein, moralement. Et puis troisièmement, c'est peut-être le point le plus fort, j'ose en parler parce que Claude Calam est parti, puisque c'est un des grands militants de ces questions, hein, c'est le problème des étudiants étrangers, qui là aussi... Et quelque chose qui est, ça est parlé avec beaucoup de conviction, hein, mais je crois qu'il faut mettre ça devant encore plus en avant. On est tombé dans une politique qui est non seulement raciste, mais qui devient xénophobe. Alors la France n'est pas raciste ni xénophobe. Il y a beaucoup de racistes et de xénophobes en France, mais ça c'est autre chose. Là-dessus, il est absolument nécessaire de conclure des alliances beaucoup plus larges dans le cadre d'un appel de l'enseignement supérieur et de la recherche pour faire bouger les choses. Mais moi, je ne pense pas, malheureusement, hein, que ce soit sur les questions internes où nous avons perdu quand même pas mal de batailles. Hein. Malheureusement, on peut, les batailles, ça se regagne. Hein. Mais encore faut-il être capable de créer un rapport de force qui soit favorable pour faire bouger les lignes. Et à mon avis, c'est sur ces points qu'on peut le faire. Alors, je suis peut-être un peu pessimiste. Moi, j'essaye d'être réaliste et de continuer à me battre sur les points sur lesquels on peut avoir des résultats. Et cet appel, c'est bien dans cette perspective que vous l'avez et que nous l'avons lancé. J'esquisse une réponse rapide, ou plutôt une réaction rapide. Oui, je pense que, effectivement, comme vous, que la formation des maîtres... que les conditions de vie, la paupérisation des étudiants et la situation des étudiants étrangers sont des éléments qui sont des vecteurs forts de mobilisation qui devraient l'être. J'en ajouterai un quatrième quand même pour revenir à nos histoires d'IDEX. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui plus que jamais, surtout en cette période-là, dans le mois qui vient, de mettre le paquet sur la politique d'excellence. Mais non plus. Alors, je vais être un petit peu radical là-dessus. Je crois que l'époque est passée et totalement révolue de se battre contre le concept et la notion d'excellence. Les présidents d'université eux-mêmes, j'explique, les présidents d'université eux-mêmes commence à dire concept de tarte à la crème. Il n'emploie plus, il commence à utiliser d'ailleurs le concept de qualité. Par contre, poser la question de quoi l'excellence est le nom. Qu'est-ce qu'il y a derrière?